Agrippine. De Claire Brotéché, adapté par Christelle Wurmser. Premier épisode. Naissance d'une arrière-grand-mère. Pas de mon chef, ça. Pardon. 6. Pourquoi il ne décroche pas ? Décroche. C'est pas vrai. Maman, ça va pas du tout. Mamie est sur répondeur depuis 5000 ans. J'ai laissé 40 millions de messages, no news. Qu'est-ce qui t'arrive, Agrippine ? Appeler ta grand-mère tous les jours n'est pas exactement ton style. Mais tu te rends pas compte ? Elle me donne toute la thune de mon anniversaire. Allô ? Bonjour, madame candidat. Ah, bah tu vois, c'est la concierge qui t'appelle. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, ma mère a pas pris son courrier depuis une semaine. Oh ? Elle répond pas quand vous sonnez à la porte. Bah, je te disais qu'il se passait un truc pas clair. Oh. D'ailleurs... Elle était super stressée, c'est Josie. Dispense-toi de mettre le haut-parleur quand c'est moi qui décroche. Mais mon pot dépressive, si j'étais docteur, je dirais qu'elle avait les boules. Coupe ce haut-parleur, je te dis, enlève ta main. Si, si. Écoutez, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Merci d'avoir appelé, madame candidat. Alors, tu vois ce que je te disais ? Ça craint. Moi, je dis qu'elle a fugué et je crois qu'elle se drogue. Mais non, faut toujours que tu exagères. Elle nous fait une crisette parano, comme d'habitude. Remonte ton pantalon. T'es vraiment pas cool, maman. Agrippine, ça suffit maintenant. J'ai du travail, compris ? Ouais. Eh ben moi, je dois 50 euros de cinéma à Bergère, 125 euros à Moderne. En plus, il y a le cadeau à Psyché Chia pour ses deuxièmes rapports sexuels. C'est quoi, ce pantalon ? Il a pas de fermeture éclair ? T'es obligée de te faire un nœud sur le nombril. Puis je suis en retard avec mon dealer. Oui, oh, celle-là, tu me l'as déjà faite. Maman. Ta mère est peut-être morte et toi tu t'en peignes le cresson. Bravo Agrippine, t'as réussi à m'inquiéter, on y va. C'est plutôt Mésig hein, qui devrait me faire des caillebottes avec les soucis de trésorerie que j'ai. Il va mettre un pantalon digne de ce nom, avec une braguette et un bouton. Je préviens papa. Tu te préviens de quoi? Alors... Papoute. Papoute. Agrippine, tu me déranges. On va se jeter chez mamie, on est inquiète, elle répond pas au téléphone. C'est quoi ce truc morveux coulé dans une pierre ? C'est une très jolie fine de Claire. Un peu mûre, mais très jolie. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Eh bien, tu vois, j'écris un livre sur les huîtres. C'est délicat. Celle-ci, par exemple, n'est pas assez laiteuse. T'as qu'à dire qu'elle l'est. Moi, ma fille, je ne fais pas dans l'imaginaire, je ne suis qu'un modeste écrivain du réel. Ça raconte quoi, ton livre ? Ça raconte... l'huître dans sa réalité. J'essaie de la mettre en valeur. Je décris son jus, son irisation, sa rétractation, sa fibrillation, son esprit de rédemption. Ça peut faire une success story, tu crois ? Bon, tu avais quelque chose d'urgent à me dire ? Oh, vas-y, t'es chez mamie. Si elle a pas mouru dans son jus, elle répond pas au téléphone. Et en plus, elle m'a pas donné mon cadeau pour mon anniv. Candidat m'a juré qu'elle bougeait pas de la matinée et évidemment elle est pas là. Et ma mère a jamais voulu que j'ai un doute de ses clés. C'est malin. Quand la gardienne est sortie, elle laisse ses clés au Alma Joul, le couscous d'en face. Ben vas-y voir. J'y vais. Oui, allô, je suis en retard. Oui, encore ma mère, je te raconterai. Ah non, s'il te plaît, me parle pas de la tienne. Qui ? Con. Avec qui ? Pourquoi ? Oui, bon, écoute, j'en sais rien, tu te débrouilles, plus. Le patron du Alma Joul est au ski, mais quand il se casse en vacances, il laisse toutes les clés du quartier à la fameuse ménage du Chaopien. On peut l'appeler au 52 52 52 53 à la répondeur, et en plus, son mari est toujours là, il a le cancer du raton. J'adore cette délicieuse ambiance de village, mais je vais chercher un serrurier. Oh, regarde ! La porte de la loge est ouverte. Suffisait de la pousser. Y'a quelqu'un ? Candidat ? Bon, tu sais pas où elle range les clés des gens de l'immeuble par hasard. Oh, bah c'est pas compliqué, regarde. Elles sont toutes là, à portée de main, avec les noms dessus. C'est pratique. Oh. avec les noms dessus, bien sûr. Incroyable, incroyable. T'as aucun sens de la convivialité, non. Mais je suis certaine que ma pauvre mère paie des sommes démentes à une société de surveillance. Mais mamie... Ma pauvre mamie, mais allez où, mamie? Mamie! Mamie! Mamie? Maman? Tu es là? Maman! Mamie! Maman? Attends. Elle est peut-être en train de surfer sous couette avec un vieux rongeur. Son sac est là, en tout cas. Ou avec un gigolo mout qui niquerait notre héritage. Non, je rigole. Va voir côté cuisine. Je vais voir côté chambre. Maman! Maman, où est-ce que tu es? Maman! Maman! Maman! Oh, mamie! Mamie est là! Elle est là, l'accident! Mais mamie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as un pansement autour de la tête? Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Et pourquoi t'es toute bleue? Qui vous a permis d'entrer? Je vous ai pas sonné. C'est pas un accident. Ah, t'es sûre? Bah alors, elle est en état de me faire un chèque. Maman, dis-moi la vérité, pourquoi as-tu fait un lifting? Maman, je te parle. T'as toujours été contre le lifting. Tu parlais de la noblesse d'un beau visage buriné par la vie. Et par l'âge. Tu disais qu'il fallait s'assumer en tant que personne, située dans le temps. Ah, c'est comme moi, tiens, je suis hyper située dans le temps. Et quand j'ai programmé le mien, tu m'as fait annuler mon rendez-vous en faisant mine de cardiovasculer. Ah, j'en puis plus, Agrippine. Je me sens toute brûlante. Vaporise-moi un peu des viandes, s'il te plaît. À propos, mamie, tu sais quel âge j'ai? Surprise, surprise, je viens d'en changer. Waouh, cool. Ça y est, j'ai compris, t'es amoureuse. Allons, à vous, maman. Oh, ça, bah, je décapsule, là, j'ai besoin d'un petit coup d'évian. Mais j'espère au moins que tu as toujours sur toi ta trousse dernier rapport. Non, mais tu entends comment ta fille me parle, dans mon état, alors que je suis sous le coup d'un choc émotionnel. Oh, quoi qu'il arrive, maman, tu es toujours sous le coup d'un choc émotionnel. En général, ça te provoque des ballonnements, des sciatiques, des angines, des polypes foncés, des ongles incarnés, mais des liftings, jamais. Alors? Ma mère est entrée en maison de retraite. Ta mère? Je capture rien, là. T'as une mère? Maman, mamie a une mère. Mamie, enlève ton pouce de ta bouche. Mais depuis quand t'as une mère? Mais ça me trouve, ça. Mais ça vous aurait enflé le clapet de me tenir informée? Alors les jeunes, ça pulse? Ouais, on pense. Je pense, donc je hais. Cool. J'ai un scoop. Je vous annonce la naissance de mon arrière-grand-mère. Quoi? La mère de la mère de ma mère. Putain, la Bouygues nouvelle. C'est Noël. Et vous visionnez, une arrière, c'est magique. Je l'ai jamais vue, elle était fâchée avec la famille. Elle respirait dans le Maine-et-Loire profond. Maintenant, elle zone dans un abattoir près de chez moi. Et la meilleure, c'est que ma grand-mère, la mère de ma mère, a fait un lifting de déprime. Donc, faut attendre qu'elle dégonfle et après, on ira voir l'arrière. Qu'est-ce qu'elle nous fait soudain avec sa gilet à nogis? Rien à foutre, sa race. Et remarque, en ce moment, la roue s'attitude, c'est full tendance. Ouais, retourne-y dans ton ethnie. T'as une perte d'antique dans le karma ou quoi? Au secours. Et puis d'ailleurs, moi, je déteste les vieux. Ils viennent manger notre repas. Et nous, on bosse uniquement pour qu'ils se paient des jacuzzis. Faudrait tous les compacter. Virer dans l'espace. Vous filtrez vraiment que de bande de clones, hein? Vous avez les tubes bourrés de calcaire? Ben moi, je vous informe en direct, le premier qui dit seulement contre mon arrière, je me bute. Ta gueule. Bienvenue au qui est pour prix. Bienvenue au qui est pour prix. Ma fille, t'as pas un miroir? Je me sens encore toute bouffie. Pas du tout, tu es ravissante. J'ai l'impression de te revoir avec ta corde à sauter. Bon. Ça sent le poupon ici. C'est pas une crush, c'est une maison de retraite. Oh là là, je suis dans un état à l'idée de revoir ma mère. Ça fait si longtemps. Tout ça à cause de son abominable caractère. Mais il est un âge où il faut savoir pardonner à ses parents. C'est pas vrai. À quel âge, mamie, sans deck? Au fait, tu sais quel âge j'ai, mamie? Hein, dis, mamie, tu sais quel âge j'ai? Il paraît qu'il y a une famille de communistes qui m'attend ici. Maman! À bas les rouges! Oh, maman, tu sais très bien que je suis pas communiste. C'est mon premier mari qui l'était. Ça fait 10 ans qu'il est mort. Je t'avais interdit d'épouser un bolchevique. N'en parlons plus, s'il te plaît, maman. Je suis heureuse de te revoir. Ta bonne mine. Toi, tu as vieilli. J'ai vieilli? Oui. J'ai vieilli. Aïe, aïe, aïe. Oui, tu as vieilli, Ninifle. On ne va pas en faire une cathédrale. Ne m'appelle pas Ninifle. Je ne supporte pas que tu m'appelles Ninifle. Famille, j'en voudrais. Je l'appelle Ninifle parce que quand elle était petite, elle était tout le temps enrhumée et elle avait de grandes chandelles vertes qui lui pendaient comme ça, des narines jusqu'aux genoux, bien qu'elle reniflât sans cesse. C'était si mignon. Je suis Poule, la fille de Ninifle, et voici votre arrière-petite-fille Agrippine et votre arrière-petite-fille Biron. Pourquoi tu te caches? Sors de là. Agrippine, mais quelle grande fille! Et elle va à l'école, cette grande fille? Oui. Oui, qui? Oui, Mirza? Appelle-moi Zonzon. Tout le monde m'appelle Zonzon. Biron, viens saluer ton arrière-grand-mère. Oh, les boules, elle est trop vieille. Et dis-moi, ma petite Eurydice. Agrippine. Ça te fait quel âge? Mon âge? Mon âge? Oui, ton âge. Tu ne sais pas ton âge à ton âge? En fait, c'est mon anniversaire. Pas possible. C'est ton anniversaire. Alors, mais dis donc, je te dois un cadeau. Biron, sort de derrière ce fauteuil. De mon temps, on avait droit à une orange. Sais-tu combien d'oranges ça me fait? Non, Zonzon. 95 oranges et demi. Problème. Soit plusieurs cajots de 10 oranges chacun. À combien de cajots ai-je droit? Compte tenu du fait qu'un cajot sur 3 est troué et laisse échapper 2 oranges. Tu sais, Zonzon, moi, les maths... C'est pour rire! Je suis très farceuse. Qu'y a-t-il, voyons, Artémise? Tu en fais une tête? Agrippine! Appelle-moi Zonzon, comme tout le monde. Tu t'ennuies? Tu veux aller jouer dans le jardin? Mais je veux mon cadeau d'anniversaire! Mais oui, où avais-je la tête? Je vais te donner un petit billet de 1000. Qu'est-ce que tu en dis, Eurydice? Agrippine! Un billet de 1000? Ah, je savais même pas que ça existait. Putain, maman, un billet de 1000! Voici le petit Biron qui veut vous dire bonjour! Allons bon! Bonjour! Qu'est-ce qu'il marmonne, le petit rond? Bonjour! Bonjour qui? Bonjour Mirza! Ouais, bonjour Mirza! Il est idiot, ce petit rond! J'espère qu'il n'y en a pas d'autres! Toi, t'es vieille, t'es moche et je te déteste! Biron, qu'est-ce que c'est que ces manières? Avec tout ça, l'heure du goûter ne va pas tarder à sonner! Il faut que j'y aille, moi! Cependant, il me semble que j'oublie une broutille. Le billet de 1000. Une bagatelle. Le billet de 1000. Une futilité. Une vétille primordiale. Le billet de 1000. L'anniversaire de la petite. Proserpine. Aimes-tu l'argent? Disons, Zonzon, que un billet de 1000. Tu comprends? Si j'avais été informée de ton anniversaire et a fortiori de ton existence, je t'aurais acheté une dinette ou une robe pour ta poupée. Non, un billet de 1000, ce sera très bien. Faut juste que j'attrape mon porte-monnaie. Hein. Oui. Mets toujours ton argent dans tes doublures, Mélusine. Les malandrins n'iront pas le chercher, là. Alors, ça, c'est le prêt hypothécaire à feu monsieur Dugomo. Oui. Caduc, je le garde, on sait jamais. Mon chapelet de communion, mes gaufrettes au son, c'est bon pour le transit. Tu en veux? Non, merci, Zonzon. Maintenant, Biron, je veux plus rien entendre. La fève, quand j'étais reine en 48, j'avais choisi le chanoine comme roi. Scandale atroce. Ah mais non, pas du tout. C'est la fève cochon en costume marin. C'était en 42, avec Cornelius Cornblum comme roi. Tête de sa femme. Passons. Ah! Voilà mon porte-monnaie. Petit peu de mort, voir un point, c'est tout. Grand-mère, il faut que nous partions. Voilà. Bon anniversaire, Aspirine. Je t'offre ce billet de 1000. Mais c'est pas un billet de 1000, c'est... Tais-toi, Agrippine. Mais pourquoi ne sonne-t-il pas le goûter? C'est agaçant, à la fin. Putain! L'arrière m'a filé 10 euros. Elle est très âgée. Elle a confondu avec les anciens francs. Quoi? 10 nouveaux francs, ça faisait 1000 anciens francs. Elle a gardé l'habitude. Sans aigle? Je vais lui expliquer, moi. Alors, Pacifae, contente? Agrippine. Oui, je suis contente. Merci, madame. Appelle-moi Zonzon. Tout le monde m'appelle Zonzon. Oh. sur les marches. Hein? J'avais peur qu'il vous arrive quelque chose. Ouais, bah, il est arrivé quelque chose, ouais. Ah, ça m'étonne pas, elle est capable de tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que ta mère clignote dans les francs et qui c'est qui s'est fait en flos? Mais Igor. Oh, trop vieille, la vieille. Ça suffit, Biron. Putain, elle m'annonce un billet de 1000, moralité, c'est ce qu'elle me sort? Mmh. Un billet de 10 euros? Mais j'ai cru que j'allais collapser. Non, mais attends, 10 euros pour mon anniversaire. Oh. Parce que c'est mon anniversaire, mamie. Tu le sais, ça? Mmh. C'est mon anniversaire. Mmh. Sans ricaner, mamie. Tu me les offres pour mon anniv. J'ai dit. Non, mais j'aurais craché. Je te préviens, elle coûte la peau. J'aurais craché. Ah, putain, j'ai craché mon chewing-gum. Remarque, c'est normal qu'elle coûte. C'est du tatou strassé. Ce mal compensé, sexy à mort, tu vas en perdre ta culotte. Ah, cool. Viens, on traverse, on va voir chez Shoes. C'est juste en face. Une seconde, j'arrive. Oh. Oh, j'ai marché sur mon chewing-gum. S'ils les ont pas reçus, je me tue. Attends, je vais voir. Je comprends pas qu'on ait pas encore inventé le chewing-gum qui s'auto-détruit sur le macadam. Ça va quand même pas être si compliqué. Oh, mamie! Ils les ont, mamie, mamie. J'arrive. Oh là là. Voilà, voilà. Regarde la beauté, j'ai envie de voir la beauté, j'y crois pas, regarde. Regarde, viens vite, on entre. Allez, on entre. Regarde-les, mamie. Elles sont pas divines. Oh, trop. Je voudrais essayer ces boots en 42. Bonjour. Bonjour mademoiselle, j'aurais aimé essayer ces boots pointure 42, s'il vous plaît, merci. N'a plus. Et ça alors, c'est quoi? C'est les dernières et pointure 38. C'est pas possible. Appelez fabricant, appelez Shoes, appelez LDMH. Non non plus. Rupture de stock. C'est du 38, vous dites? Dis donc, ma grande, il s'agit d'une promesse pour mon anniversaire, et ça c'est sacré, voyez? Donc je considère qu'il y a préjudice moral, oui. Et je voudrais savoir à combien... Mais vous m'écoutez? Vous en pensez quoi, madame? De la balle. Comment elles me vont trop? J'y crois pas. Mais mamie, c'est mes boots. Pourquoi tu les essaies? Tu vas pas me dire que t'es en train de me piquer mes boots. C'est combien la rançon, mademoiselle? 450 euros. Quoi? 450 euros? Très bien. Et tu crois que tu vas te goinfrer mes boots à 450 euros pour égarer tes vieux pieds croûteux? Agrippine, tu me saoules. Vous pouvez introduire votre carte. Je les mince tous les soirs avec la crème pied sec. Oh, t'es trop à la masse. Ces boots sont du 38. C'est quand même pas ma faute si tu fais une pointure de porte-avions. Mes boots! Quoi, tes boots? Tu veux te les faire monter en boucle d'oreille, tes boots? Cesse de nous râper les noirs. T'es d'une scélératrie bubonique. Voilà, madame, votre sac. Oh, c'est trop le kiff. Je les garde au pied. Mais... au fait, on m'avait parlé de tatou strassé. Où sont les strass? Stressé, madame, du tatou stressé. Plaît-il? Avant le coup de matraque, on montre à l'animal des chaussures et des sacs faits de la peau de ses parents. Ça le stresse un maximum, ça lui hérisse les écailles. C'est plus joli et c'est plus cher. Mais c'est révoltant! Comment une misère pareille est-elle possible en ces temps compassionnels? Le tatou n'est pas une bête médiatique. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir. Le tatou n'est pas une bête médiatique. Le tatou n'est pas une bête médiatique. Mais si lui vient alors, ils auront l'air malins. Hein? Et toi, tu seras complice et moi, je rirai. Putain, j'ai la rage en fleuve. Si j'étais pas aussi confort dans ces boots... je serai indigné. Et moi, je suis indigné de pas être dans ces boots qui sont légalement les miennes, car c'est moi qui les ai découvertes. C'est du 38. Chut. Mais cette histoire de 38, mais c'est du pur racisme. Tu refuses ma différence. Je voudrais que tu sois morte. Quoi? Les écailles hérissées. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit les écailles hérissées. Et avant? Rien. J'ai cru que tu parlais de ma santé. T'as foutu ta santé. Oh, saleté de camine. Si elle croit qu'elle va m'échapper aussi facilement. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Elle va voir de quel bois je me chauffe. Il est où son numéro? Ah, j'ai très bien entendu ce qu'elle a dit. Je voudrais que tu sois morte. Tu vas voir, Agrippine mourra bien. Tu mourras la dernière. You're so sad and chic. Look what you told me, Jim. On your telephone. Won't be coming home. He's my man. Yeah, he's my man. Vous venez d'entendre le premier épisode d'Agrippine. De Claire Bretéché. Mm. Adapté par Christelle Wurmser. Mm. C'est le premier épisode. Mm. Et il y avait Annelise... Emberger. Annelise Emberger. Oui, il y avait Carole Franck aussi. Ouais, Guillaume de Tonquédec. Ah oui, oui, oui. Louis le père, Guillaume de Tonquédec. Igor Menjinski. Rosine Favé et Marie-Pierre Cazé. Oui, Teresa Ovidio. Mm-hmm. Pauline Riba aussi. Mm-hmm. Slimane Niefsa et Mathias Maréchal aussi. David Oury. Ah. Oui, et Delphine Chuillot. Oui, Patricia Franchino. Patricia Franchino. Ah, oui, c'est ça. Ouais, ouais, je savais ouais. bien que c'était pas ça. Agrippine l'intégrale est publiée aux éditions. Ah ben, tu sais quoi? Aux éditions Bretéché. Voilà. Et qui c'est qui a fait tout ça? Mais c'est Kiki. Il a fait. Bah, c'est Kiki. C'est Kiki qui l'a enregistré, qui a fait le bruitage. Eh ben, c'est Sophie Bissante. Ouais, le bruitage Sophie Bissante. Ouais, merci Sophie. La prise de son et le montage et le mixage, il y avait. Éric Boissé et puis Émilie, elle a un nom marrant, Émilie Couette. Couette. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et l'assistante à la réalisation. Ah, c'est Clémence Grosse. Bah oui. Et le réalisateur, Cédric aussi. Cédric aussi. Bricochure.